Section 16. Chapitre 26. Chapitre 27. Chapitre 26. Un accès de haut mal. La voix de Pellerouan avait été rauque et rudement accentuée pendant qu'il racontait la terrible chasse de Jean Blanc dans la forêt. Sa respiration soulevait péniblement sa poitrine et ses yeux rouges brillaient d'un effrayant éclat. Quand il vint à parler de Trême, sa voix se fit grave et il perdit la sauvage emphase qui avait mis jusqu'alors tant d'émotion dans son récit. Si c'est dans l'intérêt du petit monsieur que Jean épargna Hervé de Vaunois, on ne peut le blâmer, dit Jude. Mais du diable si je comprends comment ce triple traître pourra jamais venir en aide à la race de Trême. Quand il aura sous la gorge un pistolet armé, tenu par une main ferme, mon homme, et qu'il saura bien que ses suppôts ordinaires sont trop loin pour lui porter secours, Hervé de Vaunois parlera. Jude se gratta le front d'un air pensif. « Il y a du vrai là-dedans, dit-il, mais Vaunois lui-même en sait-il plus que nous. Peut-être, en tout cas, leur approche ou quelqu'un l'interrogera en forme là-dessus. Jean Blanc fit comme je t'ai dit. Il épargna l'assassin de son père. Mais ce bon sentiment qui mettait la gratitude avant la vengeance devait être passager. Les cendres de la loge étaient trop chaudes encore pour que la vengeance ne reprît bientôt le dessus. Jean Blanc se repentit d'avoir oublié son père pour le fils d'un étranger. « D'un étranger ? » répéta Jude scandalisé. « Le fils de son maître, voulez-vous dire ?»« Jean Blanc n'eut jamais de maître, mon homme, » répondit Pellerouan avec hauteur. « Même au temps où il était fou. » Il se repentit donc et voulut recommencer la chasse. Mais Vaunois avait dépassé la lisière de la forêt et galopait maintenant dans la grande avenue du château. Il était trop tard. « Je ne saurais dire en vérité, » murmura Jude, « si c'est tant mieux ou tant pis. » « Il sera toujours temps de reprendre cette besogne. Le difficile n'est pas d'avoir un homme au bout de son fusil dans la forêt, et Dieu sait que Jean Blanc, depuis cette époque, aurait pu bien souvent envoyer la mort à Hervé de Vaunois au lieu de ses serviteurs. » Le difficile est de l'avoir vivant, seul, sans défense, et de lui dire « Parle ou meurs, Jean Blanc y tâchera. » « Et je l'y aiderai, » dit Jude avec énergie. Pellerouan prit sa main et la secoua brusquement. « Et le service du capitaine Didier » demanda-t-il. « Après le service de Trême, c'est convenu entre le capitaine et moi. » « Prends garde, » dit Pellerouan avec sévérité, « prends garde de confier à un Français le secret d'un Breton. Il est bon, il est noble, je réponds de lui. » « Il est noble et bon à la façon des gens de France, » repartit amèrement le charbonnier. « Mais, encore une fois, la guerre qui existe entre cet homme et moi ne te regarde pas. » Je continue. Quand Jean Blanc revint à la fosse aux loups, il oublia Trême et tout le reste pour s'abîmer dans sa douleur. Pendant 2 jours, il coupa du cercle sans relâche, et le vieux Mathieu eut une tombe chrétienne. Ce devoir accompli, Jean Blanc ne voulut point retourner à la loge dont les ruines lui rappelaient de si navrants souvenirs. Il traversa toute la forêt et alla se cacher sur la lisière opposée de l'autre côté de Saint-Aubin-du-Cormier. Il allait seul par les futaies, toujours triste et plus que jamais frappé par la main de Dieu, car sa folie, en se retirant, avait laissé des traces cruelles. Jean Blanc était atteint de cet horrible mal qui effraie la foule et repousse jusqu'à la pitié. Il était épileptique. Ce fut au milieu de cette souffrance morne et sans espoir que vint le chercher le bonheur, un bonheur si grand qu'on n'en peut espérer de plus complet qu'au ciel même, mais un bonheur bien court, hélas, après lequel il retomba dans sa nuit profonde, plus désespéré que jamais. Il se trouva une femme plus dévouée que les autres femmes, qui se prit de pitié pour ce malheureux rebut de l'humanité. C'était une jeune fille bonne, douce et bien aimée. Elle avait nom sainte, et méritait son nom. Elle ne s'enfuit point la première fois que Jean Blanc lui parla. Elle lui permit de s'asseoir au feu de sa loge, et quand Jean Blanc eut soif, elle lui donna le lait de sa chèvre. « Cela t'étonne, ami Jude ?» dit brusquement Pellerouan. « Et pourtant, elle fit plus que cela. Jean Blanc est un homme sous le masque hideux que le sort lui a infligé. « Eh bien, » dit Jude, d'un ton légèrement goguenard, « il y a eu des noces. » Oui, elle consentit à l'épouser. Un an après, Marie vint au monde. Marie, qui est le gracieux portrait de sa mère et que les gens de la forêt nomment Fleur Déjeuner, parce que cette fleur est la plus jolie qui croise dans nos sauvages campagnes. Marie est la fille de Jean Blanc et de Sainte. C'était une brave fille que cette Sainte, murmura Jude, que l'histoire amusait désormais médiocrement. C'était une angélique et miséricordieuse enfant, reprit Pellerouan. Les 2 années que Jean Blanc passa près d'elle furent comme un rêve. Il oubliait les blessures de son cœur. Il n'avait ni désir, ni crainte, ni espoir. Elle était tout dévouement et lui vivait pour elle. Pellerouan s'arrêta et passa lentement sa main sur son front. « Cela dura 2 ans, » reprit-il, après un silence et d'une voix tremblante. Au bout de 2 ans, Jean Blanc revit des soldats de France et des gens de l'impôt. Vaunois avait découvert sa retraite. Sa pauvre cabane fut de nouveau envahie. Une première fois, il les chassa, ils revinrent en son absence, et un lâche, un soldat du roi, insulta et frappa Sainte, qui n'avait pour défense que le berceau de sa fille endormie. « Je ne te conterai pas ce qui suivit. Je ne le pourrai pas, mon homme, car mon sang bouillonne. Et au moment où je te parle, il me faut mes 2 mains pour contenir les battements de mon cœur. » Sainte succomba aux nombreuses blessures faites par l'arme meurtrière de l'assassin. Elle mourut en priant Dieu pour Jean et pour sa fille. Pellerouan s'interrompit encore. Sa voix défaillait. « Sur ma foi, grommela Jude, il est de fait que le bon garçon ne doit pas aimer beaucoup les gens de France. Il les hait !» s'écria Pello avec explosion. « Et moi, tout ce qu'il hait, je le déteste. Ah, l'un d'eux rôde autour de cette cabane. Mais sur mon Dieu, ami Jude, il y a un vieux mousquet qui veille sur Fleur des Genêts, une bonne arme, portant loin et juste. » « Puisque tu sers le capitaine Didier, conseille-lui de ne plus s'égarer dans les sentiers que fréquente Marie, la fille de Sainte, et de Jean Blanc. »« J'ignore les secrets du capitaine, » répondit Jude avec froideur. « Je sais seulement qu'il est généreux et loyal. Si quelqu'un l'attaque traîtreusement ou en face, sauf le service de Trême, mon aide ne lui fera point défaut. »« À ta volonté, mon homme, je continue. » Après la mort de sa femme, Jean Blanc chargea sa fille sur ses épaules et traversa de nouveau la forêt. Il avait le désespoir dans le cœur et sa tête roulait cette fois des projets de vengeance. La vue du lieu où avait été assassiné son père raviva d'anciens souvenirs. Le passé et le présent se mêlèrent, une haine immense, implacable, fermenta dans son âme. Il se trouva que vers cette époque, les pauvres gens de la forêt, traqués à la fois par l'intendant royal et les seigneurs des terres, qui, à l'instigation de Vaunois, avaient fait dessein de les chasser de leur domaine, relevèrent la tête et tentèrent d'opposer la force à la force. Ils continuèrent d'habiter le jour leur loge, mais la nuit, ils se rassemblèrent dans les grands souterrains de la fosse aux loups, dont, au moment du besoin, un homme leur enseigna le secret. Cet homme était Jean Blanc, qui avait découvert autefois la bouche de la caverne, à 15 pas de son ancienne loge, derrière les 2 moulins à vent ruinés. Un jour, au temps où Jean Blanc était faible, il dit « Le mouton se fait loup pour défendre ou venger ceux qu'il aime. » Jean Blanc avait vu mourir tous ceux qu'il aimait. Il ne pouvait plus protéger. Ce fut pour se venger que le mouton se fit loup. « On m'avait dit quelque chose comme cela, » interrompit Jude. Ce fut vers le même temps, reprit le charbonnier, que je vins m'établir dans cette loge. Pour des motifs que tu n'as pas besoin de connaître, je pris avec moi la fille de Jean Blanc et je l'élevai. Dans son enfance, avec les beaux traits de sa mère, elle avait les blancs cheveux du pauvre albinos, mais l'âge a mis un reflet d'or aux boucles brillantes qui encadrent le front gracieux de la fleur de la forêt. Elle n'a plus rien de son père. Elle est belle. Que te dirais-je encore? Tu es dans le pays depuis hier. Tu as dû entendre parler des loups. C'est le premier mot qui frappe l'oreille du voyageur à son arrivée dans la forêt. C'est le dernier qu'il entend à son départ. Les cupides hobereaux, qui, pour gagner quelques cordes de bois, ont voulu arracher le pain à 500 familles, tremblent maintenant derrière les murailles lézardées de leur gentille aumière. Non seulement les gens du roi ne se risquent plus guère dans la forêt, mais cet épais gourmand qui tient maintenant la ferme de l'impôt, Béchamel, regarde à 2 fois avant d'envoyer à Paris le produit de ses recettes. La forêt est entre Rennes et Paris. Les loups sont dans la forêt. « C'est fort bien, » dit Jude. « Les loups sont de redoutables camarades. Mais ne pourrions-nous pas parler un peu de Trême et revenir à ce fameux moyen ?»« Ami, » interrompit Pellerouan, « les loups et Trême ont plus de rapports entre eux que tu ne penses. » Monsieur Nicolas, dont Dieu est l'âme, fut le dernier gentilhomme breton. Les loups sont les derniers bretons. Quant à mon moyen, si honnête, si bon et si brave serviteur que tu puisses être, on n'a pas attendu ton retour pour le tenter. Jean Blanc a autant et plus de hâte que toi d'en finir avec Vaunois, car Mathieu et Sainte ne sont pas encore vengés. Or, le jour où Vaunois aura dit son dernier mot sur Trême, Jean Blanc chargera son vieux mousquet et recommencera la chasse, interrompue il y a 18 ans sur la lisière de la forêt. Mais jusqu'ici, ce misérable meurtrier a toujours échappé. Dernièrement encore, le manoir de Bouexis fut attaqué dans le seul but de s'emparer de sa personne. Il l'avait quitté cette nuit même, et les assaillants ne trouvèrent que les débris, tièdes encore, de son repas du soir. « Vaunois est un madré gibier, » dit Jude en secouant la tête. « Jean Blanc est un chasseur passion, » répondit Pellerouan, « et sa meute se compose de 2000 loups. »« Est-ce ainsi ? » s'écria Jude, dont la lente intelligence fut enfin frappée. « Jean serait-il ce mystérieux et terrible loup blanc ?»« Mon compagnon, » répliqua le charbonnier avec une légère ironie, « Jean est loup, et il est blanc. » Et je ne sais si c'est de lui que parlent aux veillées des manoirs voisins les vieilles femmes de charge et les valets peureux. Jean Blanc peut beaucoup. Mais il est toujours le malheureux sur qui pèse incessamment la main de Dieu. Les accès de son terrible mal deviennent de jour en jour plus fréquents. Et certes, ajouta Pellerouan, dont la voix s'étrangla tout à coup, il n'eût pas pu faire le récit que tu viens d'entendre sans porter la peine de sa témérité. Jean n'affronte jamais en vain ses souvenirs. Après avoir prononcé péniblement ces derniers mots, Pellerouan garda le silence, et Jude le vit s'agiter convulsivement sur son banc. « Qu'avez-vous ? » demanda-t-il. « Va-t'en, » dit avec effort le charbonnier. « Tu sais tout ce que je pouvais t'apprendre. Mais que dois-je faire ? Ne puis-je aider Jean Blanc ? Va-t'en, » répéta impérieusement Pello. « Au nom de Dieu, va-t'en. Quand l'heure sera venue, Jean Blanc saura te trouver. » Jude, étonné, se leva et se dirigea vers la porte de la loge. Avant qu'il eût passé le seuil, Pello glissa du banc et se roula sur le sol, où il se débattit en poussant des gémissements étouffés. Jude se retourna, mais le jour baissait. La loge était de plus en plus sombre. Il aperçut seulement une masse noire qui se mouvait désordonnément dans les ténèbres. « Qu'avez-vous, mon compagnon ? » demanda-t-il encore, en adoucissant sa rude voix. Un cri d'angoisse lui répondit, puis la voix de Pellerouan s'éleva, brisée, méconnaissable, et dit pour la troisième fois « Va-t'en ». Jude obéit, et comme il n'avait point coutume de s'occuper longtemps des choses qu'il ne comprenait pas, à peine monté à cheval, il oublia Pello pour songer uniquement à Jean Blanc, au loup et au moyen de prendre au piège Gervais de Vaunois vivant. En songeant ainsi, il éperonna son cheval et prit la route de Rennes, où son nouveau maître lui avait donné rendez-vous. On entendait encore le bruit des pas de son cheval sous le couvert que déjà la porte de la loge se refermait. Fleur déjeunait, était rentrée, elle alluma une lampe. Pellerouan gisait à terre, en proie à une furieuse attaque d'épilepsie. La jeune fille était sans doute familière avec ses effrayants accès, car elle s'empressa aussitôt autour de son père et le soigna sans qu'il se mêlât aucun étonnement à sa douleur. À la lueur de la lampe, la loge semblait moins misérable et plus habitable. On apercevait dans un coin une petite porte qui donnait issue dans la retraite de Marie. Au-dessus du manteau de la cheminée pendait une paire de pistolets et un lourd mousquet de forme ancienne. Vis-à-vis et auprès de la porte se trouvait une de ces horloges à poids, comme on en voit encore dans presque toutes les fermes bretonnes. Au moment où la crise du charbonnier sévissait dans toute sa force, on frappa d'une façon particulière à la porte extérieure, et Fleur Déjeunet ouvrit sans hésiter. L'homme qui entra portait le costume des paysans de la forêt, et avait sur son visage le masque fauve dont il a été déjà plus d'une fois question dans ces pages. Il passa vivement le seuil. « Où est le maître ? » dit-il d'une voix brève. Fleur Déjeunet lui montra Pellerouan qui, l'écume à la bouche, se tordait convulsivement sur la terre battue de la loge. Le nouveau venu laissa échapper un juron de colère et s'assit en murmurant sur un banc. L'accès dura longtemps. De minute en minute, le nouveau venu, qui était un loup, regardait l'horloge avec impatience. Lorsque l'aiguille eut fait le tour du cadran, il se leva et frappa violemment du pied. « Voilà une malencontreuse histoire, ma fille, » dit-il. « Tu diras à ton père que Yomi est venu et qu'il l'a attendu tant qu'il a pu. » Pellerouan regrettera toute sa vie de n'avoir pas pu profiter de l'heure qui vient de s'écouler. Comme le loup finissait de parler, Pello poussa un long soupir et détendit ses membres crispés. « Il revient à lui !» s'écria Marie, qui approcha des lèvres du malade une fiole dont il but avidement le contenu. Après avoir bu, il passa la main sur son front baigné de sueur et se leva à l'aide du bras de la jeune fille. En apercevant le loup, il tressaillit. « Laisse-nous, » dit-il à Marie. Celle-ci obéit, mais lentement, elle quittait à regret son père en un moment pareil. Avant qu'elle eût franchi la porte de sa retraite, Pélorouan et le loup avaient entamé déjà leur entretien. « Qu'y a-t-il ? » demanda le charbonnier. Yomi jeta un regard de défiance vers Marie et prononça quelques mots à voix basse. « Dis-tu vrai ? » s'écria Pélo, qui se dressa de toute sa hauteur. « Le ciel a-t-il enfin condamné cet homme ?» En même temps, il fit mine de s'élancer vers la porte. Yomi le retint. « Je me doutais bien, maître, dit-il, que ce serait pour vous un grand crève-cœur. Le ciel l'avait condamné peut-être. Vous l'avez absous. L'heure d'agir est passée. Ne peut-on courir ? » Yomi étendit la main vers l'horloge à poids. « On m'avait donné 2 heures, ajouta-t-il, pour vous trouver et rapporter vos ordres. J'ai dépensé la première heure à faire la route. J'ai perdu l'autre à vous attendre. Il est trop tard. » Pélorouan serra les poings avec violence et s'assit sur le banc. « Qu'a-t-on fait là-bas » demanda-t-il. Yomi prononçait les premiers mots de sa réponse, toujours à voix basse, au moment où Marie tirait à elle la porte de sa retraite. Par hasard, un de ces mots arriva jusqu'à elle. La jeune fille changea de couleur, laissa la porte entrebâillée et mit son oreille à l'ouverture. Le mot qu'elle avait entendu était le nom de Didier. Chapitre 27. La première béchamel. Ce jour-là, Antinoüs Béchamel, marquis de Nointel, avait résolu de frapper un coup décisif sur le cœur de sa belle inhumaine. C'est ainsi qu'il appelait Mademoiselle de Vaunoy. Il ne dormit guère que 2 heures après son déjeuner et gagna ensuite en toute hâte les cuisines du château de la Tremblay, où il demanda le chef à grands cris. Il n'est personne qui ne désire se montrer avec tous ses avantages aux yeux de la dame de ses pensées. Béchamel, que le hasard avait fait intendant royal de l'impôt, mais qui était né marmiton de génie, s'était mis en tête de subjuguer Mademoiselle de Vaunoy définitivement et d'un seul coup à l'aide d'un blanc-manger du plus parfait mérite. Blanc-manger exquis, original, nouveau, dont Alix goûterait la première et qui garderait le nom de cette belle personne en l'immortalisant dans les siècles futurs. L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux. Il ne faut pas croire que monsieur le marquis de Nointel fut descendu aux cuisines de la Tremblay avec un projet vague et mal arrêté. Son blanc-manger était dans sa tête, complet et tout d'un bloc. Il n'y manquait ni un scrupule de muscade, ni une pointe de girofle, ni un atome de cannelle. Aussi, disons-le tout de suite, le plat de l'intendant royal devait compter parmi les rares chefs-d'œuvre qui vivent à travers les âges. Ce devait être un blanc-manger illustre, un blanc-manger que les restaurateurs des 5 parties du monde inscriront avec fierté sur leurs cartes tant que l'homme, roi de la création, saura distinguer un suprême de turbot d'une omelette au lard. Le cuisinier de la Tremblay mit à la disposition de son noble confrère ses épices et ses fourneaux. Béchamel se recueillit 10 minutes, puis, avec la précision nécessaire à toutes les grandes entreprises, il se mit résolument à l'œuvre. La vieille Gothon-Réoux, femme de charge du château, qui fumait sa pipe dans un coin de la cheminée pendant que l'intendant royal opérait, répéta souvent depuis qu'elle n'avait de sa vie vu un mitron si ardent à la besogne. L'intendant royal n'avait garde de faire attention à la vieille. Il avait retroussé les manches de son habit à la française, rentré la dentelle de son jabot et rejeter sa perruque en arrière. Son rouge visage atteignait les nuances les plus vives de la pourpre. Ses yeux étaient inspirés, ses mains blanches et chargées de diamants agitaient la queue de la casserole avec une grâce indescriptible. Tout observateur impartial eût déclaré qu'il était là vraiment à sa place. « Divine Alix » murmurait-il plus tendrement à mesure que la fumée s'élevait, plus savoureuse. Vous qui possédez toute perfection, vous devez être doué du plus délicat de tous les goûts. Si vous résistez à ce poison, je n'aurai plus. Une idée de gingembre ne peut que faire du bien. Je n'aurai plus qu'à mourir. Béchamel mit une pincée de gingembre et ouvrit convulsivement ses narines pour saisir l'effet. Délicieux, céleste, dit-il. Alix, vous ne refuserez plus la main capable de combiner ces saveurs. Il faudrait être un sauvage pour résister à un pareil arôme. « C'est vrai que ça sent bon, » grommela Gothon dans un coin. Béchamel mit son binocle à l'œil et regarda du côté de la cheminée d'un air modeste et satisfait. « N'est-ce pas, excellente vieille ? » s'écria-t-il. « C'est un manger de déesse. »

Quand elle recouvrit ses sens, une fièvre violente s'empara d'elle. L'heure du dîner vint cependant, et M. de Béchamel, quittant la cuisine, fit son entrée dans la salle à manger, suivi du plat incomparable qu'il venait d'inventer. Le digne financier avait un air à la fois modeste et conscient de sa valeur. Il semblait savourer par avance les unanimes éloges qu'allait accueillir ce chef-d'œuvre de l'art culinaire, rendu plus précieux par la noble main qu'il avait préparé. Il méditait déjà une courte allocution en forme de madrigal, à l'aide de laquelle il comptait offrir à Mademoiselle de Vaunois l'honneur d'attacher son nom au blanc-manger nouveau-né. Certes, ce n'était point là une mince aubaine pour la belle Alix. Il y allait de l'immortalité, car le plat n'était rien moins qu'une béchamel de turbot. Les cuisiniers ont faussé l'orthographe de ce nom illustre. C'était, en un mot, la première de toutes les béchamels. Hélas, le destin est aveugle, tous les bons poètes l'ont dit, et les projets des hommes sont étrangement caducs. La primeur de ce précieux aliment devait tomber en partage au palais mal appris de deux ignobles valets. En entrant dans le salon, Béchamel orna sa lèvre de son plus avenant sourire. Ce fut en pure perte, il n'y avait point de convives. Hervé de Vaunois n'avait pas reparu, Alix était en proie à d'atroces souffrances, Mademoiselle Olive veillait auprès de son lit de douleur, Didier était on ne savait où. Ce que voyant, Béchamel, ordinairement si paisible, entra dans un dépit furieux. Désolé de n'avoir personne pour apprécier les mérites de son blanc-manger, il demanda son carrosse et partit au galop pour sa villa de la Cour Rose. Le blanc-manger resta sur la table, chef-d'œuvre abandonné. Quelques minutes après, Alain, le majordome, et la Pierre entrèrent par hasard dans le salon. « Il ne reviendra pas, » dit la Pierre. « Tu es un oiseau de mauvais augure, » répondit le vieil Alain. « Il reviendra. » Les deux valets avisèrent le blanc-manger. Ils s'attablèrent sans cérémonie. Nous devons croire que la béchamel se trouva être de leur goût, car au bout d'un demi-quart d'heure, il n'en restait plus trace. « Il ne reviendra pas, » répéta la Pierre en se renversant sur son siège comme un homme qui a bien dîné. « Il reviendra, » répéta de son côté maître Alain, qui introduisit dans sa bouche le goulot de sa bouteille carrée. « En veux-tu ? » ?»« Volontiers. S'il ne revient pas, nous pourrons bien n'y rien perdre. » Ce petit soldat de Didier a le cœur généreux et la main toujours ouverte. Il achètera notre marchandise à bon prix. Et s'il nous fait pendre, allons donc. On frappa trois rudes coups à la porte extérieure. Les deux valets sautèrent sur leur siège. « C'est Vaunois, » dit le vieux majordome. « Ou Didier, » repartit la Pierre. « Une idée. Si c'est Didier, veux-tu que nous parlions ? Vaunois est avare. Nous pourrissons à son service. » Alain hésita et but. Quand il eut bu, il n'hésita plus. « Top ! » s'écria-t-il gaillardement. « Si c'est Didier, nous parlerons. Vaunois, s'il revient ensuite, reviendra trop tard. Mais si c'est Vaunois... » « Alors, il deviendra pour moi incontestable que Satan le protège, et ma foi, que Dieu est l'âme du capitaine. »« Amen !» répondit maître Alain. On entendit des pas dans l'antichambre. Les deux valets se levèrent et clouèrent leurs regards à la porte. « Quelque chose me dit que c'est le capitaine. » murmura la Pierre. « Moi, je parierais que c'est le Vaunois, » riposta le majordome. « Eh bien, parions, parions ! Un écu pour le capitaine, un écu pour Vaunois !» Fin de la section 16.